ce rêve, j'avoue je ne comprends pas bien. Ils disent qu'ils m'ont ressuscité avec deux brins d'ADN et un brin d'ingéniosité. Ils disent qu'on tire un bac de rien. Pas chez moi, oui, mais je ne comprends pas ce rêve. Les souvenirs d'une autre vie, mais n'importe quoi qu'elle sève. Une langue inconnue de moi, des villes germaniques, une musique étrange, des instruments antiques, mais qui jouent sur des tonalités bizarres. Est un peu contradictoire. On me dit que c'est normal, mais moi je crois qu'on n'en sait rien. Ils sont si fiers de leur génie. Ils croient que je me souviens, mais que mon inconscient le nie. Ouais, c'est ça, tout ça. Je suis leur premier bac de rien. Me farcit la tête en partita et sonate, de prélude aérien en fugue d'acrobate. Et je récite par cœur comme un bon amnésique la vie officielle du cantor de la psyche, mais toujours sur les tonalités bizarres. Et t'as pour contradictoire. Vous êtes patient, trop patient, moi je module au demi-ton. Faut pas me prendre pour un ton. Depuis le temps des chefs-d'œuvre, j'en aurais déjà composé. C'est pas que je n'ai pas osé. Faire le passe à l'échec, c'est pas marrant, mais vite, mais moi je suis pressé. Les clones, ça vieillit vite, je laisse à mon vieux moi les suites de mon violoncelle. Ma seule passion, c'est de méditer la suite pour qu'il y ait les scènes qui m'en sorcellent. Sur des tonalités bizarres, et des tonnes pour contradictoires. J'avais fait un bac pour rien.